20 cm cubes. Il est à 30 degrés. 200 joules, chargé. Contact. Ça, c'est plat. you ever went to a club and you saw a freaky ass bitch with big titties and a DJ big motherfucker? Thank you. Isn't that powerful?

Thank you. cher Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Non, tout le monde m'appelle Marty. Ravi de faire votre connaissance. Marty. Flash. Guns ready, prepare to blast. Ready, prepare to flash. I'm Choc avec Marty sur KLS. Listening this DJ can be dangerous. Marty on Galaxy. Thank you. Let's go. work it, work it, work it.